Le Florin, conte serbe, par Charles Simon. Par une belle matinée d'été, en 1815, un cheval gris piaffait, tout scellé, et attaché par la bride à un prunier devant une maison du village de Prijelina en Serbie. Un groupe d'enfants se pressait tout autour de la monture et la regardait avec curiosité. Des femmes allaient et venaient dans les diverses chambres de l'habitation. Chacune d'elles portait un objet. À la fin, un jeune homme botté armé sortit d'une des pièces du rez-de-chaussée, fit quelques pas jusqu'à l'arbre, détacha le cheval et sauta en selle. C'était le seul homme de l'assistance. Tous les autres étaient des femmes ou des enfants, les premières pleurant, se lamentant, sanglotant. Tour à tour, elles offrirent au cavalier qui une paire de bas, qui un mouchoir, puis, après lui avoir montré leur cadeau, enfermèrent celui-ci dans sa valise, déjà sanglé sur le cheval. Le jeune homme s'apprêtait à partir, quand une bonne petite vieille, toute courbée, accourut, et tira de son sein un petit mouchoir de toile blanche dans lequel était enveloppé un petit paquet. Elle le défit et y prit une pièce de monnaie, un florin à l'effigie de l'empereur d'Autriche. Elle le remit d'une main tremblante au jeune serbe et lui dit « Ilia, joie de mes yeux, tu pars pour l'armée, et ta pauvre vieille mère n'a rien à te donner que ce florin. Pauvre cher cœur, c'est mon offrande à moi. » Il m'a été offert par le père de mon mari, par ton grand-père, quand ton père m'a demandé ma main. Ton père lui-même l'a emporté 3 fois à la guerre, et 3 fois il me l'a rapporté. Il a eu bien des malheurs, ton pauvre père. Bien souvent l'argent lui a fait défaut, mais jamais il n'a pu se résoudre à faire abandon de mon cadeau de noces. Garde-le, mon fils, et ne t'en sépare point, quel que soit ton sort. Quand même tu serais dans le plus cruel dénuement, fais comme ton père. Ne le dépense point, et même, à ces heures difficiles, songe que la nuit porte conseil, que la journée de demain ne ressemble pas toujours à celle de la veille, et conserve ton florin. » Le jeune homme prit la pièce de monnaie, la serra dans sa bourse, en noua les cordons, et l'enferma sous sa chemise, sur sa poitrine nue. Puis, soulevant son bonnet, il baisa la main de sa mère et dit « Adieu, ma vieille mère, qui sait quand nous nous reverrons ?» Il fondit en larmes, se pencha vers sa mère, se laissant embrasser par elle, et la pauvre vieille le comblait de caresses, comme au temps où elle le berçait. Les autres femmes avaient fait le cercle autour d'eux, et les enfants, plus d'un ayant les yeux rouges, regardaient ce tableau émouvant, le cœur navré. Le jeune homme se détacha enfin des bras de sa mère, échangea un baiser avec chacune de ses sœurs et avec ses parents tour à tour, puis il s'éloigna lentement dans la direction de Chermenitsa, où était le camp du chef de l'armée serbe, Miloš Obrenović. Que veulent dire ces cris et ces lamentations devant la maison de Popovic ? Demanda une passante qui venait d'Ikonia Markov et se rendait à Chermenitsa en traversant le village. Est-ce sa mort que l'on pleure ? Mais c'est Ilia Miloš qui s'en va rejoindre l'armée, et sa mère ne peut s'empêcher de sangloter, la pauvre vieille. Et quoi ? On l'a pris son fils, quand elle en avait déjà 3 sous les drapeaux ? On dit qu'il ne se battra pas, qu'il sera occupé dans les bureaux du commandant. Il a de l'instruction, une bonne écriture, et c'est pour cela qu'on l'a appelé. « Oh, dans ce cas, il n'y a rien à craindre, » dit l'étrangère à voix haute pour se faire entendre de la vieille. Puis elle ajouta plus bas. Le pauvre garçon n'a voulu rien dire pour ne pas affliger sa mère. Mais aujourd'hui, faire la guerre, c'est se battre. Il n'y a point de bras inutiles. « Je ne sais pas, » dit celle à qui elle s'adressait, « mais je souhaite qu'il revienne. » Et elle se retira en hochant la tête. « Qu'il revienne, et sans doute. » Et je souhaite que mon Marco revienne aussi. Mais qui sait quelle sera l'issue de la guerre? Nous aurons bientôt à nous mesurer avec les Turcs, car nous devons nous affranchir de leurs joues, ou nous périrons tous écrasés par leur tyrannie. » Et lentement, elle remonta la route qui conduisit à Chermenitsa. Le soulèvement en masse de la Serbie fut décrété le 11 avril 1815, le jour des rameaux, dans l'église de Takoy. Miloš Obrenović fut choisi pour chef de l'insurrection. Turcs et Serbes en vinrent aux mains partout où ils se rencontrèrent. Les gouverneurs des vilayets turcs furent hors d'état d'étouffer la rébellion. Kiaya Pacha se vit forcé de quitter Belgrade avec ses troupes et de se replier sur Tchatchak, point de jonction des routes de Karanovitz, d'Ushnitsa et de Sienitsa. Kiaya Pacha était le beau-frère et le lieutenant de Soliman Pacha. De Belgrade à Tchatchak, dans la région montagneuse, aux alentours de la capitale serbe, il mit tout à feu et à sang pour semer la terreur parmi les insurgés. Ceux-ci l'attendirent à Kliechtevitsa et dans d'autres positions avantageuses, tombèrent sur lui et lui infligèrent des pertes considérables, mais sans pouvoir couper ses communications avec Tchatchak. Dans la pensée du pacha, la prise de cette ville où était établi le quartier général de la révolte devait mettre fin à l'insurrection. Mais il comptait sans son hôte. Il n'eut pas plus tôt fait son entrée dans Tchatchak qu'il s'aperçut que l'insurrection s'étendait sur la rive gauche de la Morava. Les insurgés s'étaient retranchés fortement sur les hauteurs de Siobitia, faisant face à Tchatchak. De la sorte, les Serbes révoltés occupaient toute la gauche de la Morava, tandis que les Turcs étaient échelonnés sur la droite. À plusieurs reprises, les Turcs opérèrent des sorties, traversèrent la Morava, attaquèrent les Serbes et les forcèrent même à battre en retraite, mais ne purent jamais les mettre complètement en déroute et moins encore écraser la rébellion. Tandis que ces événements se poursuivaient ainsi sans issue décisive, un Turc monté sur un cheval brun sortait chaque matin de la forteresse et venait provoquer l'un des Serbes campés sur l'autre rive à un combat singulier. « Allons, approchez, troupes de porcs ! » s'écriait-il avec insolence. « Nous verrons bien lequel de nos sabres coupe le mieux, lequel de nos fusils porte juste. Au vainqueur, le pouvoir. Pourquoi vous cacher comme des lapins dans leurs trous ?» Il répétait ce défi chaque jour, et tous les Serbes étaient persuadés qu'ils avaient affaire à un homme habile et hardi. Mais le commandant de l'armée serbe avait interdit, sous des peines sévères, de répondre à la provocation. Un jour que ce nouveau Goliath se présentait comme de coutume au regard des insurgés, et les excitait par ses gestes et ses cris à venir se mesurer avec lui, un jeune cavalier serbe, chevauchant sur la route et suivant la rangée de saules qui borde la Morava, tenait ses yeux cloués sur le Turc. Les Serbes reconnurent avec anxiété que ce jeune homme n'était autre que Ilija Popovitch de Prijelina, le secrétaire du général. Ilija faisait caracoler son cheval, sans détourner ses regards un seul instant de l'insolent ottoman en tenant le poing sur ses arçons. Après avoir débité ses tirades habituelles, le Turc tira ses deux pistolets de sa ceinture, visa et fit feu. Au second coup, Ilija ressentit une légère secousse à la place où était sa ceinture, mais il ne vit aucune trace de sang, et ne se sentant pas défaillir, il piqua des deux, courut sus à l'ennemi et l'atteignit. Tout à coup, le Turc poussa un cri de rage et vida les étriers. D'un seul coup de sabre, Ilija lui trancha la tête, s'empara du cheval de son adversaire et, traînant la bête captive, repassa la rivière. Quelques instants après, il se trouvait au milieu des Serbes. « Bravo, bravo, jeune homme !» dit un vieux sous-officier, ne pouvant s'empêcher de laisser voir sa satisfaction. « Quoi ? Vous nous rapportez la tête d'un Turc ? Bravo !»« Je n'ai pu supporter davantage sa forfanterie, » répondit Ilija. « Et tu n'as pas reçu une seule blessure ?» dit un des camarades. « Non, par une chance inexplicable. Sans ma ceinture, son second coup m'aurait atteint. J'ai même cru un moment qu'il m'avait blessé. » « Peut-être l'as-tu réellement ?» interjeta un autre. Ilija porta sa main à la place où il avait éprouvé la commotion et sortit la bourse contenant le florin que lui avait donné sa mère. La balle avait frappé la pièce de monnaie juste au centre, l'avait aplatie et légèrement édentée en y restant collée. « Garde ce florin avec reconnaissance toute ta vie, » dit le vieil officier. « Il t'a sauvé la tête aujourd'hui. »« C'est une vraie chance, en effet, » s'écrièrent les autres. Ilija avait fait preuve de courage. Il avait le poignet solide et la fortune l'avait favorisé dans le combat. Mais cela ne l'empêchait pas d'être coupable. Il devait être traduit en jugement et la sentence que l'on allait prononcer contre lui ne pouvait être qu'un arrêt de mort. Il avait enfreint sciemment, délibérément, les ordres du général, violé la discipline qui est l'âme de l'armée. Il allait comparaître devant la cour martiale. Une cour martiale agit sans phrase. « Êtes-vous soldat, Ilija Popovitch ?» demanda le président de la cour. « Je le suis. » « Saviez-vous qu'il était interdit de quitter le camp pour accepter un combat singulier ?»« Je le savais. »« Pourquoi avez-vous désobéi à cet ordre ?»« Je ne pouvais m'en empêcher. »« Reconnaissez-vous que vous êtes coupable ?»« Vous savez ce que j'ai fait. Je ne le nie point. À vous de me juger. » »« Il ne tremble point. Mais il ne sait pas ce que c'est que la discipline, » dit un des officiers. « Si nous lui faisions grâce. » »« Et la discipline ?»« Que deviendra l'armée si nous laissons enfreindre les ordres les plus stricts du commandant ?» « Je réclame un châtiment exemplaire. » Le président se leva et étendant le bras. « Messieurs, » dit-il, « regardez, voici toute l'armée de la Morabie rangée devant notre tente. » Et en effet, quand les membres de la cour jetèrent un coup d'œil au dehors, ils virent, non sans un mouvement d'effroi, les troupes serbes en ordre de bataille, le fusil sous le bras, le canon baissé à terre. Un silence profond régnait au milieu des soldats. « Qu'est-ce à dire, mes amis ? » demanda le président de la cour martiale. « Pourquoi cette démonstration ? Nous sommes prêts à respecter la décision de nos supérieurs, répondit un sous-officier. Je le vois, mais encore une fois, que voulez-vous? Nous voulons l'acquittement de ce jeune homme. Il a manqué à la discipline, mais il a vengé l'honneur de l'armée. Le président eut un sourire. Vous n'aviez pas besoin de nous le rappeler, dit-il. La loi martiale porte en termes express que quiconque a vaincu l'ennemi ne peut être condamné. Il y a est libre. Ouah ! Des centaines de voix répétèrent ce cri. Ilia vint rejoindre ses camarades, qui l'emportèrent en triomphe. Singulière manière de maintenir l'ordre, grommela un officier à moustache grise, qui ne branchait pas sur le règlement. L'affaire en resta là. Vers la fin de l'automne 1842, beaucoup de Serbes qui s'étaient retirés à Neusatz avec le prince Michel attendaient les événements. Tous étaient impatients d'avoir des nouvelles de la Serbie et de savoir quelles étaient les chances de la nouvelle insurrection. Un de leurs principaux rendez-vous était le café de la place publique où ils passaient le temps à échanger des conjectures. Tous ceux qui apportaient des nouvelles de Serbie étaient bien accueillis, et plus d'un intrigant habile à répandre de faux bruits se fit payer grassement ces mensonges. Mais il est des cas où l'on aime même à être trompé et à se bercer d'une illusion. Un matin, un pêcheur bien connu arriva de Belgrade. Il avait l'extérieur misérable, mais la mine intelligente. Il dit qu'à la suite d'une protestation du tsar Nicolas, toutes les lois décrétées en Serbie, du milieu d'août à la fin de septembre, avaient été abrogées et qu'on allait procéder à de nouvelles élections. Les visages des Serbes rayonnèrent de joie. Ils virent tout de suite la possibilité d'un arrangement. Tout ce qu'ils avaient cru perdu leur semblait enfin reconquis. Aussi s'empressèrent-ils de vider leurs poches pour remplir les mains du messager de la bonne nouvelle. Un des assistants tira de sa veste une grande bourse, en sortit un florin, le considéra longtemps, le soupesa, puis le retenant dans sa main, demanda à son voisin « Prête-moi quelques kreutzer. » « A-t-on jamais vu un avare pareil ? » s'écria l'assistance. « Il hésite à donner un florin. »« Messieurs, » dit celui que l'on apostrophait, « je donnerais volontiers la moitié d'un florin et même davantage, mais cette pièce, c'est un fétiche, et je ne veux m'en séparer, à aucun prix. Il y a 30 ans que je le conserve. » Et quand il leur raconta comment il avait dû la vie à ce florin, des larmes mouillèrent ses yeux, car il songeait à sa pauvre vieille mère, que la mort avait emportée avant qu'il fût de retour au village. Ainsi s'achève le florin de Charles Simon.